matin tout le monde. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Je m'appelle Marie-Pierre, je vais être votre animatrice pour la nouvelle saison de l'émission. Connaître ensemble, c'est l'émission des étudiantes sages-femmes de l'UQTR. Et oui, il y a un bac sage-femme à l'UQTR. Le but de l'émission tout au long de la session, ça va être de vous informer sur les différents aspects de la périnatalité, c'est-à-dire tout ce qui entoure la naissance. On va parler d'allaitement, de maison de naissance, de stimulation du bébé. Bref, une super belle programmation qui va vous être assurée par les étudiantes sages-femmes. Parlant d'étudiantes, aujourd'hui, on a Christine avec nous. Bon matin, Christine. Bon matin, Marie-Pierre. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui dans l'émission, Christine? Alors, aujourd'hui, Marie-Pierre, on va faire un survol de la pratique sage-femme au Québec et on aura aussi l'occasion de mieux connaître comment fonctionnent les maisons de naissance au Québec, lieu de pratique privilégié des sages-femmes. Et on va avoir en premier temps une entrevue avec Mme Raymonde Gagnon, qui est sage-femme et qui est aussi directrice du baccalauréat en pratique sage-femme. Et dans la deuxième portion de l'émission, on reçoit Mme Angèle Trudeau, qui a longtemps travaillé dans les maisons de naissance et qui est maintenant étudiante avec nous au baccalauréat à l'UQTR. Mais tout d'abord, on va aller en musique avec une magnifique chanson de Marie-Pierre Arthur, « Elle ». Thank you. C'était Marie-Pierre Arthur avec la chanson « Elle ». Et aujourd'hui, nous avons avec nous notre première invitée, Mme Raymonde Gagnon. Bonjour. Bonjour. Mme Raymonde Gagnon, qui est sage-femme, comme je le disais plus tôt, est directrice au programme en pratique sage-femme à l'UQTR. Est-ce que vous voulez nous présenter brièvement votre parcours avant d'en arriver à être directrice à l'université et sage-femme? Bon, ben peut-être. Alors, disons que moi, j'ai d'abord été infirmière en obstétrique, puis dans le réseau de la santé auprès en périnatalité. Puis c'est ce qui m'a convaincue d'aller chercher une formation différente pour pouvoir mieux accompagner les femmes là, tout au long, puis les familles tout au long de leur expérience. Alors, j'ai fait ma formation de sage-femme. J'ai travaillé comme sage-femme, mais dans le cadre là, des projets pilotes en maison de naissance, ben j'ai contribué à mettre en place une maison de naissance. Et par la suite, je suis arrivée au programme en pratique sage-femme ici, comme professeure. Merci. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, on va essayer de faire mieux connaître la profession sage-femme aux gens qui écoutent l'émission en ce moment. Pour commencer, est-ce que vous voulez nous dire, c'est quoi l'histoire de la sage-femme au Québec, la pratique des accouchements, tout ça, depuis quand c'est légiféré, puis vous avez parlé des projets pilotes aussi, comment ça a commencé tout ça? Ben en fait, si on veut faire une histoire courte, c'est que la profession au Québec a ressurgi à la fin des années 70 parce que, bon, il y a des femmes, des couples qui souhaitaient avoir, vivre un événement moins médicalisé puis avoir une intervenante qui pouvait être justement là tout au long de leur expérience. Donc, c'est ce qui a amené finalement la pratique sage-femme à ressurgir et, la première loi qui a été adoptée était une loi sur les projets pilotes en 1994 qui visait l'expérimentation de la pratique sage-femme, à savoir si ça apportait vraiment quelque chose de plus dans le rayon de la périnatalité. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on est allé ensuite vers la légalisation parce que les résultats de l'expérimentation étaient positifs. Et la loi sur les sages-femmes a été adoptée en juin 1999, ce qui a amené justement la création d'un ordre professionnel, comme toutes les autres professions au Québec, et la mise en place du programme en pratique sage-femme ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Et avant qu'on parle de la formation justement qu'on a à l'université, est-ce que vous pouvez nous dire, parmi tous les spécialistes de la santé qui travaillent dans le milieu de la périnatalité, c'est quoi la place de la sage-femme parmi tous ceux-là? Ben en fait, je veux dire, le champ de pratique de la sage-femme touche les événements normaux de la grossesse, de l'accouchement et du postnatal pour la mère et le bébé. Donc, ce qui représente quand même tout près de 85% des situations là, de grossesse. Puis de quand on atteint un enfant, 80-85% des situations qui sont tout à fait normales. Et la sage-femme est vraiment formée tout au long de son parcours pour être en mesure d'avoir les connaissances, les compétences requises pour pouvoir faire le suivi obstétrical, puis aussi accompagner les gens dans leur expérience de ce que c'est que d'accueillir un bébé dans leur vie. Et à quelqu'un qui connaît pas du tout la pratique sage-femme, dans le fond, qui sait pas qu'il y a un bac à l'université pour devenir sage-femme, comment vous décririez cette formation-là, dans le fond? Ben en fait, c'est une formation qui est vraiment essentiellement spécifique au champ de pratique de la sage-femme. Il y a d'abord, c'est sur un parcours de 4 années et demie, donc 9 sessions. La première année, c'est vraiment des sciences fondamentales parce que c'est important d'acquérir des notions en biochimie, en microbiologie, dans différents domaines des sciences pures pour être en mesure de vraiment être à même de pouvoir faire un suivi adéquat là, au niveau de la grossesse, puis après ça aussi pour le bébé. Puis il y a tout l'ensemble des sciences humaines aussi, donc des cours en promotion de la santé, en périnatalité et société, en habileté de communication, qui viennent vraiment enrichir le bagage là, des compétences de la sage-femme. Et cette formation-là va l'amener à être en mesure de pouvoir effectuer un bon suivi pour les femmes enceintes, à être responsable lors du travail et de l'accouchement, être en mesure de dépister les complications, intervenir en cas de complications, puis aussi être à même de soutenir les femmes, puis les pères aussi là, qui accueillent leur bébé durant la grossesse, à la naissance et après avec le bébé là, jusqu'à 6 semaines de vie postnatale. Et là, vous nous avez parlé des cours puis du parcours en général, mais il faut savoir aussi qu'il y a un gros programme de stage tout au long des 4 années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, les stages, c'est vraiment un moyen par excellence pour les étudiants de pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Donc, la façon dont est conçu le programme, c'est qu'après la première année de cours théoriques, dès la troisième session, les étudiantes sont en stage dans un milieu clinique avec une sage-femme et elles suivent la sage-femme tout au long de ses activités cliniques. Parallèlement à cette exposition-là, qui est graduée tout au long des quatre années. Donc, on commence par observer, puis on interagit de plus en plus au fur et à mesure des connaissances qu'on acquiert pour finalement arriver à un internat où là, on est entièrement responsable d'un suivi pré-père et postnatal avec le petit filet de sécurité de la préceptrice derrière soi, mais qui vous aide vraiment à acquérir les compétences puis après être capable de voler de vos propres ailes puis d'exercer votre profession pleinement à part entière. Donc, parallèlement au stage, il y a des cours aussi théoriques qui sont donnés à distance, qui permettent d'allier la théorie à la pratique. Donc, il y a toujours un aller-retour entre ce qu'on voit dans le milieu clinique puis la théorie, et ce qu'on voit dans la théorie puis qu'on va aller chercher des exemples dans le milieu clinique. Donc, ça fait en sorte que c'est vraiment une formation. Quand les étudiantes terminent, elles sont à même là de pouvoir exercer sur le terrain. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé juste un petit peu plus tôt de l'ordre professionnel des sages-femmes qui existe dans le fond depuis que la profession est légiférée. C'est quoi le rôle de cet ordre professionnel-là dans la profession lorsqu'on sort de la formation à l'université? Bien, en fait, la mission d'un ordre professionnel, c'est vraiment la protection du public. Donc, ça s'exerce par l'admission à l'exercice. Donc, l'ordre va déterminer qui peut pratiquer la pratique sage-femme au Québec. Donc, par rapport à les conditions d'admission, les étudiantes qui sont détentrices d'un diplôme de baccalauréat en pratique sage-femme peuvent obtenir un permis de l'ordre des sages-femmes. Ensuite, le rôle de l'ordre, c'est de s'assurer que l'exercice se fait là vraiment dans les meilleurs standards possibles, que les familles puissent avoir des bons soins, des bons services. Fait que ça se fait à travers tout le mécanisme d'inspection professionnelle. Il y a de la formation continue. Il y a aussi un mécanisme de traitement des plaintes parce que oui, malheureusement, ça pourrait arriver qu'il y ait des gens à un moment donné qui soient pas satisfaits d'un service ou d'un soin reçu. Et à ce moment-là, l'ordre va vraiment s'assurer, va examiner la situation puis va s'assurer que la pratique est conforme à ce que les gens sont en droit de s'attendre. OK. Et avec l'ordre professionnel qui existe et la formation qui a été mise sur pied il y a un petit peu plus que 10 ans maintenant, qu'est-ce que vous diriez qui a changé dans la pratique depuis ce temps-là, dans le fond? Comment c'était la différence entre avant la formation pour les sages-femmes et pour les familles qui voulaient avoir un suivi sage-femme? Okay. Ben, en fait, il y avait une formation, mais qui était pas reconnue, qui était pas à l'intérieur d'un cursus universitaire. Donc, ce que ça l'a changé, c'est d'abord de s'assurer que on donnait quelqu'un à qui aurait une formation qui était complète puis qui respectait là, les standards. Donc, je dirais que pour les étudiantes, c'est vraiment un atout pour celles qui veulent devenir sage-femme, de pouvoir s'inscrire dans un programme qui va vraiment, dans lequel nos ressources humaines, nos professeurs, tout ça, vont avoir à cœur de vous donner le meilleur pour que vous deveniez encore meilleur que nous-mêmes au moment où on a fait notre formation. Donc, il y a cette partie-là. La légalisation, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'elle a permis vraiment à la population. C'est sûr qu'il n'y a pas encore des services sage-femmes partout au Québec, puis il n'y en a pas autant que les femmes le désireraient, mais ça vise à rendre accessibles ces services-là, puis dans le réseau de la santé et des services sociaux aussi. Donc, qu'une femme peut choisir pour son suivi d'être suivie autant par une sage-femme que par un médecin. Fait que différentes choses, mais ces deux-là, ça en est des principales. Là. OK. Et à la suite de la formation universitaire qu'on suit en tant qu'étudiante sage-femme, moi ici, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on va avoir comme champ de pratique exactement dans le fond? Oui, on suit les accouchements, les grossesses normales qui peuvent être 85% des cas à peu près, mais c'est quoi le champ de pratique des sages-femmes pour quelqu'un qui connaît pas la pratique? Ben, en fait, vous suivez des femmes tout au long de ces événements-là, de la grossesse, de l'accouchement, du postnatal. Vous pouvez, ce que j'entends de ta question, c'est en dehors du suivi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou encore est-ce que ça comporte d'autres types de services auprès des femmes? Est-ce que tu pourrais me préciser? Dans le fond, on veut informer les gens qui connaissent pas qu'est-ce qu'une sage-femme fait parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est un suivi comme un accompagnement. C'est pas comme un... un suivi médical, si on veut. Alors, quelqu'un qui connaît pas la sage-femme, qui pense qu'il n'y a pas de formation à l'université, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour peut-être préciser? OK, c'est dans ce sens-là. Comment ça se traduit directement? Ben, c'est pas juste dans l'accompagnement. Il y a vraiment tout ce qui est nécessaire dans un suivi de grossesse pour être à même de s'assurer que la grossesse évolue normalement, prévenir les complications. Donc, la sage-femme va être à même de prescrire des examens de laboratoire, de les interpréter. Elle va être aussi à même de prescrire une échographie, différents examens diagnostiques. Il y a des médicaments aussi qu'on peut utiliser dans notre champ de pratique. Par exemple, s'il y a une femme qui présente un saignement au moment de l'accouchement, ben on va utiliser le cytocinon de la même façon qu'un médecin l'utiliserait. Donc, ça comporte vraiment tout ça. Ça comporte vraiment le suivi obstétrical. Une femme qui va très bien aller voir là un médecin de médecine générale ou une sage-femme, puis le suivi va être le même sur ces aspects-là. Ça va être le même sur ces aspects-là, mais est-ce que le suivi en tant que tel, il est pareil? Comme on entend plus dire que le suivi est plus humain parce qu'il y a plus de temps qui est passé avec la femme ou le couple, dans le fond. Bien, l'approche peut être différente, puis le travail est aussi différent, si on veut, parce que, je veux dire, le médecin qui suit des femmes enceintes, bien, il voit aussi des gens dans sa pratique pour d'autres types de problèmes. Fait que souvent, la façon dont, vous savez, qu'est-ce que la disponibilité des médecins pour encore c'est pas facile d'avoir un médecin, puis c'est pas facile d'avoir beaucoup de temps avec lui parce qu'il y a beaucoup de besoins, puis pas assez de médecins. Donc, je veux dire, il va accorder le temps qu'il peut consacrer, mais je veux dire, ça va être davantage à être centré peut-être plus sur les aspects biologiques là, de la grossesse, alors que la sage-femme, vraiment, elle, son travail est consacré à l'ensemble, son approche, puis la façon dont elle organise son travail, c'est vraiment consacré à l'ensemble des besoins biopsychosociaux et même spirituels, là, dans le sens là, de la vie et non de religion. Là. Vous n'entrez pas dans une religion quand vous allez voir une sage-femme. Mais je veux dire, on va accompagner les gens dans leurs valeurs. Une approche globale. Oui, c'est ça. OK. Et tous ces suivis-là, dans le fond, des femmes qui souhaitent avoir une sage-femme, ça se fait où? Bien, je veux dire, quand je parlais d'intégration au réseau de la santé et des services sociaux, donc les sages-femmes sont à contrat de service dans des centres de santé et services sociaux. Mm-hmm. Et il y en a dans différentes régions au Québec. Il y en a plus qu'hier, puis moins que demain, comme on peut dire. Donc, le suivi va se faire soit en maison de naissance, parce que la maison de naissance va être un point de service. Il y a beaucoup d'endroits où les services sages-femmes sont développés, puis que la maison de naissance est un point de service là du CSS. Donc, le suivi de grossesse peut se faire là. Il y a des endroits aussi où ils vont des fois avoir un petit point de service qui est rattaché à la maison de naissance, mais qui peut être dans un bureau d'un CLSC, par exemple, pour desservir des femmes dans d'autres portions de leur territoire, ou des fois en attendant qu'il y ait une maison de naissance qui se développe là, dans leur secteur. Et le suivi de grossesse, le suivi postnatal se fait en maison de naissance ou dans un local du CSS. Et pour l'accouchement, la femme a le choix de choisir d'accoucher soit à domicile, soit en maison de naissance ou en centre hospitalier. Parce qu'il y a des ententes entre les CSS et des centres hospitaliers pour permettre à des femmes qui choisiraient d'accoucher à l'hôpital avec une sage-femme de pouvoir le faire. OK. Et ça, est-ce que c'est possible dans tous les hôpitaux, par exemple? C'est pas dans tous les hôpitaux parce que, je veux dire, c'est possible pratiquement dans toutes les régions à l'heure actuelle où exercent des sages-femmes, mais avec un hôpital avec lequel ils ont établi une entente. OK. Merci. Et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui connaît pas trop la pratique sage-femme peut-être ou qui est pas certain d'un couple ou une femme qui voudrait avoir un suivi avec une sage-femme mais qui est pas certaine parce que il y a des Écoutez, moi je dirais de poser des questions, d'essayer de rencontrer des gens qui ont déjà été suivis par une sage-femme. Je veux dire, c'est de se faire une idée. Puis ce qui est important, je pense en bout de ligne, c'est que les gens se sentent à l'aise puis sécures avec leur choix. Fait qu'ils sont pas obligés d'aller voir une sage-femme s'ils se sentent pas à l'aise avec ça. Mais peut-être de prendre le temps de connaître, parce que souvent c'est ce qu'on connaît pas qui nous fait peur. Fait qu'à ce moment-là, prendre le temps d'apprivoiser, avoir des connaissances, puis après se voir si ça nous convient tout simplement. Si je peux me permettre, Christine, on entend souvent choix éclairé quand on parle de pratique sage-femme. C'est quoi ça, le choix éclairé? Puis comment ça influence la profession sage-femme? Bien, en fait, le choix éclairé, c'est par rapport à un événement ou par rapport à un soin, ou c'est connaître les indications, les alternatives possibles. Hein? Des fois, un choix implique qu'on peut avoir le choix en différentes choses. Donc, connaître les alternatives possibles, voir en quoi, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Puis à ce moment-là, ben, je veux dire, s'il y a différentes choses qui existent puis qui peuvent nous convenir toutes au même titre, c'est pas toujours le cas, là. Je veux dire, ça fait partie aussi du choix de savoir où sont les limites. À ce moment-là, ben, je pense, qui est mieux placé que la personne elle-même qui va elle-même vivre après avec la situation pour choisir qu'est-ce qui lui appartient? Ça fait que c'est dans cette façon-là qu'on va aborder les gens. Puis, on va travailler ensemble, finalement, à mettre à leur service les informations qu'on a pour qu'ils soient en mesure de, après, de pouvoir exercer les choix qui leur conviennent en fonction de leur événement à eux. Ben merci beaucoup, Madame Gagnon, pour cette mine d'informations. Vraiment, ça fait le tour un peu de... Bon, on aurait beaucoup d'autres à dire, là, c'est sûr, il y en a toujours plus à dire. Ça fait le tour pas mal de la pratique sage-femme au Québec. Merci beaucoup, Christine, pour la belle entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, merci. On va retourner en musique avec une chanson de Louise Attaque, « Amour ». Vous êtes à l'écoute de l'émission « Connaître ensemble » sur les ondes de C'est fou 89.1. Oh amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère, et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps? Oh amour de l'onde qui s'étend, oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du couture excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps? Oh amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère, et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier? Oh amour, de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour, avec un grand A, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et amour, mon amulette du couture excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier? Oh amour, la première fois me ressent plus jeune, c'est l'amour de la première fois. Pour la dernière fois, oh l'amour de ce doux, c'est pas si glisse, pas les parfois. Et amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier? Oh amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère, et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps? Et plein d'éternité, loin des autres, si près de toi. On pourrait même en crever. On pense alors à l'infini, que rien ne peut s'arrêter. Le regard vers le large, on contemple nos vieilles idées. Mais nom de Dieu, comme tout est beau. Comme on s'était planté de croire que rien ne pouvait plus jamais nous arriver. À nos joies, à nos peines, à tout ce qui nous ressemble, à la clarté de nos nuits. Des amours, comme on crie, comme on gueule, tout finit par s'égrener. Au moment des amours, au moment de tout lâcher, quand les oiseaux quittent la plaine, on crache sur le passé et l'on aime comme l'on déteste avec générosité. On pense alors que tout est fini, que rien n'en vaut la peine. Mais le regard dans le vague, de vieilles idées reviennent. Mais nom de Dieu, comme c'était beau, comme on s'était planté de croire que rien ne pouvait plus jamais nous arriver. À nos joies, à nos peines, à tout ce qui nous ressemble, à la clarté de nos nuits. Oh moment des amours, à ta peau, à ta voix, au moment de t'étendre, à tout ce qui nous ressemble, au moment des amours. partie de nos nuits. Vous êtes à l'écoute de l'émission Connaître ensemble. Alors, juste avant la pub, on a entendu Da Silva avec Le Retour du Rose. Et juste avant, il y avait Louise Attaque avec Amour. Donc, juste avant la pause, on a parlé avec Mme Raymonde Gagnon, qui est sage-femme et directrice du programme du baccalauréat en pratique sage-femme à l'université. On a légèrement abordé vite le thème des maisons de naissance au Québec, mais pour approfondir un peu plus le sujet, on a avec nous Madame Angèle Trudeau, qui a longtemps travaillé dans une maison de naissance comme aide natale et qui est maintenant étudiante au bac en pratique sage-femme. Bonjour Angèle. Bonjour. Alors, tu es avec nous aujourd'hui pour parler un peu plus du concept là, de maison de naissance. C'est quoi ça, une maison de naissance? Une maison de naissance, c'est un lieu privilégié qui est fait pour accueillir les femmes et les familles, et on vient là pour être suivi par une sage-femme pour notre grossesse. Le suivi, on a le suivi prénatal, l'accouchement et le postnatal est fait à la maison de naissance. Il y a des cours prénataux aussi qui sont donnés. Et puis, c'est conçu pour ressembler le plus possible à un domicile, à une maison, pour qu'on y soit à l'aise, pour qu'on se sente chez soi, pour établir aussi, ça aide à établir notre contact avec la sage-femme. Donc, c'est un endroit vraiment merveilleux. Toi, tu as travaillé dans une maison de naissance. Oui, j'ai travaillé dans une maison de naissance pendant plusieurs années comme aide natale, comme assistante aux sages-femmes. Et aussi, j'ai accouché en maison de naissance. Oui. Mais j'ai eu trois enfants. J'ai eu un suivi sage-femme aussi. Okay. Puis, tu as travaillé à quelle maison de naissance? Moi, j'ai travaillé à la maison de naissance de l'ouest de l'île. C'est à Pointe-Claire, là, dans l'ouest de Montréal. J'étais là de 99 à 2007. Là. Est-ce qu'il y en a beaucoup des maisons de naissance au Québec? Il y en a plusieurs. Il y en a une dizaine, là. Et puis, il y en a une toute nouvelle qui vient d'ouvrir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, dans la région de Montréal, il y a la maison de naissance de l'ouest de l'île. Il y a Côte-des-Neiges. Il y a les services de sage-femme Jeanne Mance. Un petit peu plus dans l'est de Montréal. Il y en a une à Blainville. Il y a une maison de naissance, maintenant, comme je vous disais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va ouvrir bientôt. Mm-hmm. Il y en a deux dans la région de Québec, une à Sherbrooke, une à Mont-Joli et une à Gatineau. Puis il y a une à Nicolet aussi. Nicolet, oui, absolument. Ouais. Il y en a une. Excusez-moi. J'ai oublié celle de Nicolet, on y était hier. C'est qui travaille dans une maison de naissance? Ça ressemble un peu à quoi un peu l'équipe là, d'une maison de naissance? La majorité des maisons de naissance, il y a une équipe de 6 à 10 sages-femmes. Et puis, il y a aussi 3-4 aides natales aussi qui sont là en soutien pour les sages-femmes et en soutien pour les familles. Parce que après l'accouchement, les sages-femmes vont partir quand tout est bon. Les sages-femmes s'assurent que tout va bien, que le bébé va bien, que la mère va bien. Et puis, elle quitte. Et les parents restent dans les chambres de naissance, peut-être pendant un 12 à 24 heures, là. Ça va dépendre des situations. Et puis, nous, les aides natales, on est là à leur service, pour les soutenir aux besoins. Donc, les aides natales, on n'entre pas dans les chambres. Quand vous êtes en maison de naissance, vous êtes totalement autonome et puis vous allez chercher du soutien si vous en avez besoin. Donc, il n'y a personne qui vous dérange pendant la nuit, mm-hmm. qui vient faire des examens au bébé, qui vient... Pas du tout. OK. Donc, les aides natales sont là. Je sais que des fois, vous cuisinez là, des petits déjeuners pour les familles. Oui, bien sûr, absolument. On a toujours... On s'assure de préparer des beaux plats. Après la naissance, d'ailleurs, on fait toujours une assiette de fruits de noix là, qui est célèbre dans les maisons de naissance. C'est très apprécié par les mamans qui viennent d'accoucher. Là. Et puis, on est toujours bien contents d'apporter notre belle assiette de fruits. On y met beaucoup de soins. Donc, il y a des sages-femmes qui travaillent, il y a des aides natales. Oui. Il y a aussi un peu de personnel administratif pour faire rouler tout ça. Oui, là. Bien sûr. Il y a une responsable des services de sages-femmes, okay. Donc qui est sage-femme aussi, puis qui est là en soutien à l'équipe, qui a souvent une clientèle elle-même. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'adjointe administrative, mm-hmm. qui est bien importante parce que c'est elle qui va gérer les agendas de tout le monde et puis c'est elle qui accueille aussi les familles dans leur rendez-vous. Donc, c'est une plaque tournante, elle aussi, cette adjointe administrative. On apprend à la connaître. Puis physiquement, là, une maison de naissance, ça ressemble à quoi? Comment c'est divisé? Est-ce que c'est très près d'un domicile. Okay. D'ailleurs, il y a certaines maisons de naissance qui sont vraiment installées dans un bungalow. Ça ressemble à un bungalow. Donc, dans une maison. Dans une maison, c'est ça. Donc, il y a bien sûr, on rentre dans une maison de naissance, il va y avoir une salle d'attente. Puis on prend soin de que ça soit accueillant. Il y a un espace pour les enfants. Les enfants, les familles sont toujours les bienvenus aux rencontres prénatales et à toutes les activités là, de la maison de naissance. Donc, il y a des bureaux pour les sages-femmes. Il y a trois, quatre bureaux là, par maison de naissance. Et la maison de naissance elle-même, bien, là, elle comporte des chambres d'accouchement. On en a plusieurs. On en parlera peut-être tantôt, mais c'est possible aussi d'accoucher dans l'eau, hein, maison de naissance. Donc, il y a des bains là, qui se prêtent à l'accouchement dans l'eau. Il y a une grande cuisine que les familles peuvent utiliser. Donc, quand on vient, là, puis c'est le moment de l'accouchement, on peut arriver avec nos choses. On peut même arriver avec notre bouffe si ça nous tente. on peut s'installer vraiment. Il y en a qui amènent leurs enfants avec eux. Puis, comme je vous dis, il y a un espace pour les enfants. Et puis, c'est très, très confortable et convivial. Et puis, mon Dieu, je veux juste préciser, il y a aussi, bien sûr, dans une maison de naissance, un endroit où on a le matériel. Ouais. Parce qu'il y a du matériel dans une maison de naissance. Là, de l'équipement médical. Oui, d'équipement médical. Ça consiste en quoi exactement, ou pas exactement, là, en gros, cet équipement-là? Bien, il y a tout ce qu'il faut pour gérer une urgence. Okay. Donc, il y a de l'oxygène au besoin. Il y a une table de réanimation, il y a tout ce qu'il faut pour installer un soluté au besoin, donc il y a des médicaments qui peuvent être utilisés au besoin. Mais bon, voilà. Et c'est dans cet endroit-là aussi que les sages-femmes s'installent et on prend les notes au dossier, là. Il y a aussi une salle de lavage où c'est comme une maison un peu autonome, là. C'est petit, c'est à petite échelle. Donc, tout le lavage est fait sur place. Parfois, dans certaines maisons, même la nourriture est faite sur place. Dans d'autres, non. On a des traiteurs puis tout ça. Mais c'est très convivial. Je pense que dans la définition d'une maison de naissance au Québec, il y a la dimension du lieu qui est importante. Là. Je pense qu'on veut garder ça petit pour garder ça justement une atmosphère plus familiale, plus intime. Oui. Absolument. Intime et favorable à ce moment où on se centre sur ce qui est en train de se passer chez nous, là, un accouchement. Donc, il n'y a pas plein de distractions extérieures. On porte beaucoup attention dans une maison de naissance à l'éclairage. On porte attention à plein de détails qui fait qu'on peut rentrer dans notre bulle pour accoucher. Puis on n'est pas constamment dérangé dans cette bulle-là. Mm-hmm. Et ça favorise un accouchement harmonieux. Mm-hmm. On parlait tantôt qu'il y en avait beaucoup qui amenaient leurs enfants à maison de naissance pour garder justement l'esprit familial. Oui. C'est très ouvert à ça. Justement, à quel point est-ce que les familles sont importantes dans la maison de naissance, dans le fonctionnement, dans la vie sociale? Est-ce que les usagères ont vraiment un rôle à jouer? Absolument. Puis c'est important qu'elles le prennent parce que pour que les services sages-femmes restent à l'image de ce qu'elles désirent. Donc, dans plusieurs maisons de naissance, il y a des comités de parents qui s'impliquent et qui organisent des activités. Et puis, ce qui est vraiment bien avec ça, c'est qu'après qu'on ait accouché, on peut continuer d'habiter ces lieux qui deviennent souvent très précieux pour nous. Il y a des rencontres qui sont organisées par les comités de parents, puis on continue de côtoyer notre sage-femme, de revoir les femmes avec lesquelles on a lié des liens d'amitié pendant notre grossesse. Puis parlant de comités de parents, on sait qu'il manque quand même pas mal de maisons de naissance au Québec, puis la pratique sage-femme est vraiment en développement. On en a entendu beaucoup parler récemment dans les médias. Les initiatives pour faire ouvrir une maison de naissance, c'est porté par qui dans la société? Ben, en ce moment, ça a beaucoup été porté par les parents. OK. C'est pas souhaitable que ce soit les parents qui soient obligés de porter ça, mais c'est souhaitable qu'ils s'y soient impliqués, justement, pour que ça demeure à l'image de ce qu'ils souhaitent. Donc, il y a des initiatives encore partout. Il y a dans plusieurs régions du Québec, il y a des personnes, il y a des groupes de femmes qui font des demandes pour une maison de naissance. Et c'est un long, long processus. Mm-hmm. Puis c'est un processus, je crois que qui va être facilité maintenant parce qu'on il vient d'avoir un gain important pour la pratique sage-femme, c'est que maintenant le ministère va financer à 100% les services de sage-femme, ce qui était pas le cas là en ce moment, peut-être aujourd'hui là, je sais pas quand est-ce que ça va se réaliser, s'appliquer, mais c'était les agences de services de la santé qui finançaient 50% et le ministère un autre 50%. Puis étant donné qu'il y a de l'argent nulle part là, dans le service de la santé, mais les projets qui étaient apportés par les groupes de parents et demandés et qui étaient déposés dans les agences restaient aux agences parce que l'agence disait « ben nous, on n'a pas d'argent ». Et donc, le ministère n'envoyait pas la couleur. Mais maintenant que le ministère a compris que c'était vraiment un frein au développement des maisons de naissance, ben maintenant, ils ont accepté, ils ont compris. Maintenant, ça va être financé à 100%. Et puis, on ose espérer que maintenant, les projets, ça va se rendre directement au ministère. Ouais. Mais je pense que ça vaut la peine que les parents continuent de se mobiliser s'ils n'ont pas de maison de naissance dans leur région. Oui. Est-ce qu'il y en a des projets comme ça qui sont en branle actuellement? Oui. Il y en a, je pense près de l'hôpital de Maria en Gaspésie, donc c'est la baie des Chaleurs. Oui. Je sais qu'il y en a dans la Naudière. Il y en a, À Laval. Oui, Mieux-Naître à Laval qui désire une maison de naissance. Il y a quelques projets à Montréal, dans des régions de Montréal, là, dans des différentes coins de Montréal. Il y en a dans le Nord aussi, là. Je sais que Mont-Tremblant, ça fait longtemps qu'il y a des Mont-Laurier. C'est ça que je voulais dire, je pense. Oui. Mont-Laurier qui, depuis longtemps, souhaite que ça se développe par chez eux. Puis voilà, je pense que on est tout au début. Là. Ça commence. Il y en a beaucoup à faire encore. Ouais. Il y a encore beaucoup de gens sur les listes d'attente. Donc, dans la région de Montréal, par exemple, que je connais bien, il y a énormément de personnes sur les listes d'attente qui soient refusées un suivi sage-femme parce qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas suffisamment de lieux. Oui, je pense qu'il y a 2% des femmes au Québec qui ont accès à des services sage-femme actuellement. À peu près ça. Oui. Puis c'est quoi l'objectif de la politique de périnatalité du Québec? Oui, maintenant, il y a une politique de périnatalité qui a fixé comme objectif que les sages-femmes fassent le suivi de 10% de la population. Mais on n'y est pas encore. Ouais. Je sais qu'il y a dans certaines régions où les populations sont moins denses, c'est possible qu'il n'y ait pas de liste d'attente. Mais dans les grands centres, il y a énormément de listes d'attente. Puis aussi, les services de sages-femmes sont souvent plus connus. Ouais. Donc, il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a eu une étude, là, il y a comme 26% des femmes qui sont enceintes qui aimeraient avoir un suivi avec une sage-femme. Ce sondage-là, je pense que tu parles du sondage Somme. Ouais. Puis ça, ce sondage-là, ça disait plutôt que c'est des femmes qui disaient qu'elles choisiraient d'accoucher en dehors du milieu hospitalier. OK. Donc, je pense que ça spécifiait pas avec sage-femme ou sans sage-femme, mais en dehors du milieu hospitalier. Donc, il y a aussi beaucoup d'accouchements à domicile. On n'en parle pas, mais on en a parlé encore. Mais c'est possible d'accoucher à domicile maintenant. Ça se fait avec une sage-femme. Est-ce que la maison de naissance est quand même impliquée? Absolument. Ou? Ça se passe à travers toujours le même canal. Donc, si quelqu'un veut être suivi par une sage-femme, on s'inscrit dans une maison de naissance. Et puis après ça, on a le choix. On peut choisir d'accoucher à domicile avec notre sage-femme, à la maison de naissance ou même à l'hôpital. Ce qui se fait plus rarement parce que c'est pas une demande que les maisons de naissance reçoivent souvent, mais c'est possible. Donc, Si je peux me permettre une petite précision ici, Angèle, c'est aussi des fois le fait que le service qui est offert aux femmes avec le point, c'est pas en maison de naissance parce qu'il y a des services qui sont juste dans les CLSC, puis dans le fond, les femmes, ils ont le choix d'accoucher à domicile ou à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de maison de naissance. Oui, ça, c'est le cas de Jeanne Mance en ce moment. Et puis, de Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y a pas encore de maison de naissance. Hein? Je ne suis pas certaine, Saint-Jean, s'il y a déjà une maison de naissance. C'est en processus, là. Oui, mais je sais que pour Jeanne Mance, ça s'en vient bientôt, la maison de naissance. Oui, c'est vrai, ça a été accepté. C'est accepté, puis tout ça. Mais bon, dans la majorité là où il y a des maisons de naissance, c'est vraiment la maison de naissance qui est le cœur des services de sage-femme. Parce que les sages-femmes sont engagées par la maison de naissance qui est affiliée avec le CSSR. C'est ça, absolument. Okay. Et puis, elles sont des employées de CLSC, de ces 3S. Là. Ça, les services sages-femmes pour la population, est-ce qu'il faut payer pour ça? Pas du tout. Pas du tout, non, c'est avec la caméra, pas du tout. C'est une façon de parler. Là, on paye tous pour nos services de santé de façon de toute la. Mais avec notre carte d'assurance maladie, là, comme n'importe quel autre suivi. Oui, absolument, c'est accessible à toutes. Puis le rôle du gouvernement là, dans une maison de naissance, on a parlé un peu là, que maintenant, il finançait à 100%. Oui. côté administratif, là, la maison de naissance, ça se passe où dans les niveaux des institutions gouvernementales? Ben, la maison de naissance fait partie des services du CLSC là, en ce moment, dans la plupart des endroits, ce que je sache. C'est toujours dans les CLSC. Okay. Il y a encore des CLSC qui font partie d'un CSSS. Ouais. Puis tu as plusieurs CSSS qui font partie d'une agence. Donc il y a l'agence de Montréal, puis dans l'agence de Montréal, tu as tel CSSS d'une telle région. Puis là, ça dessert nous on est à petite échelle, on fait partie d'un CLSC. Puis bon, t'as tantôt glissé que tu avais eu trois enfants et tu as eu trois enfants avec des services sage-femme. Absolument. Pourquoi tu as choisi la pratique sage-femme au départ? Ah, c'est une longue histoire. Je vais essayer de faire ce coup, mais moi, la première fois que j'ai été enceinte, c'est mon conjoint qui m'a parlé des sages-femmes. Parce que lui, il avait deux autres enfants. Puis, ces enfants-là avaient été suivis, son ex-conjointe avait été suivie par une sage-femme. Puis, quand il m'a parlé de ça, là, moi, je vais te dire que j'ai trouvé ça extravagant. Puis, je me disais, mais voyons donc, pourquoi tout le monde accoucherait à l'hôpital? Puis, pourquoi je peux pas faire comme tout le monde et accoucher à l'hôpital? C'était mon premier réflexe. Puis, lui, qui était vraiment très, très ouvert et tolérant et patient avec moi, il m'a dit, peut-être que tu pourrais juste te renseigner, aller voir c'est quoi, peut-être ça te plairait. Mais ça m'a plus que plu. Je suis allée, j'ai rencontré une sage-femme, et puis j'ai commencé à lire aussi, à me renseigner. Puis, l'accouchement, c'est... Pour moi, c'est un acte, pas pour moi, mais je pense que c'est totalement naturel. Et puis, c'est pour la majorité des cas, quand on est en santé, quand il se présente pas de... Pour une femme qui est en santé, un accouchement, c'est un événement naturel. Et j'ai vraiment senti que c'était, pour moi, l'option la meilleure option pour moi. Voilà. Puis, t'as accouché dans différents lieux de naissance aussi? Oui. Pour mon premier, j'ai accouché en maison de naissance. Okay. À Côte-des-Neiges. C'était dans les premiers bébés parce que les maisons de naissance sont ouvertes en 94. Mm-hmm. Puis mon garçon est né en 94. Okay. Donc, il est né vraiment, là, comme je pense que c'était... Ça faisait un mois que la maison de naissance était ouverte. Et puis, c'était un très bel accouchement. Ça a très bien été. Et puis, par la suite, j'ai accouché à domicile à partir du moment où c'était... c'est légal maintenant d'accoucher à la maison. Et puis, c'était deux très, très belles expériences aussi d'accoucher à la maison. J'étais très confortable. J'étais chez moi. Et tu dis que tu as fait appel à des sages-femmes. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de côtoyer des sages-femmes, oui. comment ça s'est passé? Tu es allée directement à la maison de naissance, puis tu as cogné à la porte ou tu as appelé? Dans mon cas, moi, à ce moment-là, c'était pas encore ouvert, les projets pilotes. Donc, j'ai commencé ma grossesse avec une sage-femme qui travaillait pas encore. Il y avait des sages-femmes qui travaillaient déjà, puis il n'y avait pas de loi par rapport à ça. Là. C'était, si tu voulais une sage-femme, il fallait que tu aies un bon numéro, puis que tu trouves quelqu'un. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, le suivi. Puis, cette sage-femme-là était engagée en maison de naissance, projet pilote. Puis là, j'ai suivi, et puis j'ai accouché en maison de naissance. Fait qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait faire appel à une sage-femme, comment ça se passe? Ben maintenant, on appelle directement à la maison de naissance. Et puis, par contre, comme j'ai mentionné tantôt, il y a des listes d'attente. Il faut appeler tôt, le plus tôt possible, quand on sait qu'on est enceinte. Même si on n'est pas tout à fait certaine, parce que à partir du moment où on dit on a une place pour vous à la maison de naissance, il y a une rencontre d'information, puis les sages-femmes vont répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir visiter les lieux. Vous n'êtes même pas obligé de décider du lieu de l'accouchement tout de suite. C'est un cheminement, ça. C'est comme un accouchement, ça dure 9 mois, mais des fois, notre cheminement, par rapport à ça aussi, ça peut prendre du temps. Donc, on n'a pas toutes le même, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y en a qui, dès le départ, savent que pour elles veulent une sage-femme, elles veulent accoucher à l'hôpital, et puis c'est ce qui va se passer pour elles. Il y en a d'autres qui vont changer d'idée en route, puis qui voulaient accoucher à l'hôpital au début, puis qui, à la fin, finissent à domicile, parce que c'est ça qui, finalement, leur correspondait le plus. Voilà. Puis, donc là, toi, tu as eu trois enfants, puis c'est suite à ça que tu as voulu être natale? Oui. Ben non, en fait, j'ai après mes deux premiers enfants, j'ai commencé à travailler en maison de naissance. Et puis, c'est souvent une porte d'entrée pour celles qui s'intéressent à la pratique sage-femme parce que c'est un moyen de voir et de vivre la vie de sage-femme. Donc, on voit les sages-femmes travailler, on voit qu'est-ce que c'est le travail dans une maison de naissance. Souvent, les aides natales sont appelées à donner certains cours prénataux aussi. Mm-hmm. Et puis... C'est un très bon mode d'observation. Donc, quelqu'un parmi les auditeurs qui penserait peut-être à la profession sage-femme, ça peut être un moyen de vivre aussi un petit peu, d'être sous la pagette, là, et puis d'être de garde. Et puis de voir comment on peut vivre ça dans notre famille. Et justement, vu que tu as été aide natale dans une maison de naissance pendant 8 ans, je pense, c'est ça? Un petit peu moins que ça, oui. Comment tu décrirais une journée type ou, ben, mettons, une semaine type comme en tant qu'observatrice dans la maison de naissance? Comment ça, c'est quoi le rythme de vie d'une maison de naissance? Ben, il se passe toujours de quoi? Parce que toutes les sages-femmes, ils ont leur pagette, leurs clientes, il y en a toujours qui appellent. Puis, je l'ai pas mentionné, mais les sages-femmes sont disponibles, sont très disponibles à répondre aux appels des femmes quand ils ont des inquiétudes, puis tout ça. Ça bouge beaucoup dans une maison de naissance. C'est convivial, ça jase. Évidemment, il y a toujours des enfants sur place. Puis évidemment, il y a des accouchements. Donc, des fois, les portes sont fermées du côté maison de naissance, puis on sait qu'il va y avoir un accouchement. On est tout le temps... Tu sais, c'est un bel événement, un accouchement. Hein. C'est vraiment un beau métier de travailler dans... On est toujours dans les moments des gens, les plus beaux moments de la vie des gens, ou des moments dramatiques parfois. Ça, c'est sûr que ça peut arriver, des moments dramatiques, mais globalement, c'est vraiment un très beau métier. On est vraiment extrêmement privilégiés que les parents nous permettent d'être là. Oui. Puis après, bon, tu as travaillé comme aide natale. Après, tu as travaillé au regroupement des sages-femmes du Québec, je pense. Oui, j'ai travaillé. Ça, c'était un travail administratrice, okay. D'administratrice, là, comme coordonnatrice au regroupement des sages-femmes du Québec, qui est l'association professionnelle des sages-femmes. Okay. Et puis, bon, c'était l'occasion de voir l'aspect plus politique de comment ça se passe, là, et puis les conditions de travail des sages-femmes, puis tout ça. Mais moi, c'était déjà un projet pour moi de devenir sage-femme. J'attendais le bon moment pour ma famille. Okay. Et puis, là, j'ai une petite dernière, là, qui est née en 2007, et puis, je sentais le temps prêt et moi mûre pour faire ce saut. Oui. Puis, c'est quoi ça, le regroupement des sages-femmes du Québec? Ben, le regroupement, c'est l'association professionnelle des sages-femmes qui était, c'était fondée en 95 et puis ça défend, le regroupement défend l'intérêt de ses membres. Donc, par exemple, c'est le regroupement des sages-femmes du Québec qui va aller négocier avec le ministère pour les conditions de travail des sages-femmes. Et puis, le regroupement, c'est un peu comme l'ordre aussi, ils offrent des formations, de la formation continue. Et puis, répond aux besoins des membres. D'une façon ou d'une autre, là. OK. Donc, là, on en a parlé un peu. T'es devenue sage-femme. Ben, pas t'es devenue sage-femme, mais t'es entrée au bac en pratique sage-femme cette année. Oui. Est-ce que ça a eu des implications dans ta vie familiale? Ou oui. Ça a eu quoi comme répercussion, là, sur... Mais c'est certain que pour faire ce métier-là, faut s'attendre. C'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité. Mm-hmm. Parce qu'on va être, justement, disponible 24 heures sur 24. On va avoir des appels la nuit. On va avoir des appels les moments où c'est pas le meilleur moment pour nous. Mais nous, on est là pour être là avec les femmes entièrement et complètement. Donc, faut être capable, faut être bien organisé et avoir un bon réseau autour de nous pour que si on a des enfants, par exemple, on soit capable, on puisse se sentir le cœur en paix de partir à un accouchement puis d'être patiente tout le long de cet accouchement-là et d'être présente avec les mères. Donc, faut être capable de mettre notre vie personnelle un petit peu de côté. Et c'est pas évident, ça. C'est difficile au niveau de l'organisation. Mais je pense que c'est un beat qu'on prend, si vous permettez l'expression. Puis non seulement, ça a des implications dans notre vie familiale, non seulement au niveau des études, pendant nos études, mais aussi la vie de sage-femme. C'est difficile là, pour les gens qui entourent les sages-femmes. Ça demande beaucoup d'implication. Oui, absolument. Puis en ce qui a trait aux études, là, c'est sûr que les études, c'est presque, c'est sages-femmes et plus, parce qu'en plus, en stage, on suit les sages-femmes et puis on fait leur travail avec elles, pratiquement. Donc, on est là, on a les mêmes moments de présence, mais en plus, on a tous les travaux à faire. Donc, pour plusieurs, la fin du bac sage-femme, c'est déjà, ouf, là, mon métier de sage-femme, ça va déjà être moins, il n'y aura plus de travaux à remettre, en plus, et d'échéances... Donc, ben, c'est encore drôle, je pense, parce que j'ai entendu Marie-Ève Saint-Laurent, qui est la présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec, elle a dit à quelqu'un, « Oh, il me semble quand j'étais étudiante, j'avais tellement de temps libre. » On a comme un peu tout réagi à ça. Ah oui? Parce qu'on est assez occupés en général. On a un horaire cherché. C'est certain. Puis évidemment, après, ça dépend. Là, les sages-femmes travaillent à 21 heures, 28 ou 35 heures. Là. Et puis, c'est ça. On peut choisir l'horaire qui nous convient après ça aussi. Là. Des fois, parfois, c'est possible. Moi, Angèle, j'aurais une petite question par rapport au travail d'équipe dans les maisons de naissance qu'il y a, dans le fond, parce que toi, en tant qu'aide natale, tu as pu le voir ça. Nous, en tant qu'étudiante, on l'a peut-être moins vu encore. Mm-hmm. Toi, tu es étudiante aussi, mais tu as travaillé pendant longtemps. Fait mm-hmm. que c'est quoi, comment ils travaillent, les sages-femmes? Ben moi, ce que j'ai vu, c'est une très bel esprit d'équipe. D'ailleurs, il y a une réunion d'équipe toutes les semaines pour les sages-femmes. Et puis, c'est ça, ça comporte... On revient sur les choses qui se sont passées dans la semaine, ce qui va bien, ce qui va moins bien, des choses à perfectionner. Donc, voilà. Puis, lors d'un accouchement, comment ça se présente, le travail d'équipe? Ça se présente très bien. Puis, les gens ont des rôles définis, comment dire. Et puis, on est toujours prêt à, s'il y a des surprises, ça peut être une urgence ou autre. Et puis, ils sont toujours prêts à réagir, quelle que soit la situation. Mais merci beaucoup, Angèle Trudeau, qui a été aide-natale dans une maison de naissance et qui est maintenant étudiante sage-femme au bac. Merci d'avoir partagé avec nous ton expertise et tes connaissances. Ça me fait grand plaisir. Alors, c'est ce qui met fin à la première émission de Connaître ensemble de cette session-ci. Christine, merci beaucoup d'avoir co-animé l'émission avec moi. Ben merci à toi. Puis, on va remercier aussi Mme Raymonde Gagnon. Oui, donc la directrice du bac sage-femme. Alors, on remercie Ingrid à la mise en onde et à la recherche musicale. On est en relâche la semaine prochaine, comme tous les étudiants. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 2e émission de Connaître ensemble. Mon nom est Marie-Pierre. Merci d'avoir été à l'écoute de C'est fou, la radio campus de l'UQTR. On se laisse sur une chanson de l'artiste Trio avec Un homme qui aime les femmes. Sur sa gondole de Venise, Manu se laisse glisser au fil de l'eau. Le long des canaux, il cherche sa mie. Il l'aperçoit au bout de la rue, embrumée. Il s'approche de son oreille pour lui susurrer des mots d'amour. Écoute, baby. Emprisonnée dans de l'incertitude, de noir, dans les mailles de son fil et de son sourire. Elle va te déchirer ton ben, elle va te dépouiller ton cœur. Si tu lui murmuras, je t'aime, tu nourriras ton malheur, son malheur, ton malheur, son malheur, son lot de malheur, l'eau. Thank you.